tourner la tête. Hello Winnie, Winnie, Winnie. Fais ça pour le kiff, rien est fini, rien à foutre du Lamborghini, Guini, Guini. Hey yo, fouini, fouini, fouini, c'est bien, tu t'es saigné, saigné, saigné. Mais rappelle-toi qu'avant, personne ne voulait te signer, signer. Yeah, on me disait, fouini, babe, tu rêves trop. L'avenir appartient à ceux qu'ont les employés qui se lèvent tôt. J'suis bien dans mon gamos, j'étais bien dans le métro. Petit, n'écoute pas les gens, prends ton bus, ton train, va c'est faux. J'ai toujours fait le nécessaire pour que la daronne ait le sourire. Y'a que ceux en Ferrari qui disent que rien ne sert de courir. Maman attend le RMI, en retard sur les APL. Un jour mon vieux Twingo se changera en 6.3 CL. Même avec les roues crevées, les petits ont besoin de rêver. Regarde tout ce que Fouini a fait, frérot, sans aucun brevet. Putain, j'raconte ma vie et t'as l'impression que j'rappe la tienne. Petit, lève ton revêt à la tienne. La nuit des rêves sont clairs à bout de bras. Reprends main ton destin. Te voir en bas, il l'espère. On fera tourner la terre. La nuit les rêves sont clairs à bout de bras. Reprends main ton destin. Te voir en bas, il l'espère. On fera tourner la terre. Fouini, fouini, fouini. Pense au milli, milli. Mais n'oublie pas tes frères au salaire mini, mini, mini. Hey yo, fouini, fouini, fouini. Bénédicti, fouini. Tes parents sont venus, ont vu, ont subi, subi, subi. Et quand les temps étaient durs, j'ai jamais perdu espoir. J'ai sué en studio du matin au soir. Le sourire de ma mère était ma seule gloire. T'inquiète, on se revoit à la fin de l'histoire. J'écrivais mes textes seul dans ma garde à vue. À la fin de ma carrière, le bon Dieu fera ma dernière interview. Reprends en main ton destin, frère, n'oublie pas qui t'étais. T'inquiète les potes, ça revient en même temps que le Porsche GT. Et ouais, la vie ça va vite, ça passe de 0 à 100. Vidé de son sang, on est tous violés comme un billet de 500. Putain, j'raconte ma vie et t'as l'impression que j'rappe la tienne. Petit, lève ton revêt à la tienne. La nuit des rêves sont clairs à bout de bras. Reprends en main ton destin. Te voir en bas, il l'espère. On fera tourner la terre. La nuit, les rêves sont clairs à bout de bras. Reprends en main ton destin. Te voir en bas, il l'espère. On fera tourner la terre. C'est Laurent, c'est la terre, forcé à se taire. Les choux courts sans repère, forcé à se taire. Dans le noir, la lumière, forcé à se taire. Ceux qui ont rien, ceux qui espèrent, forcé à se taire. Ceux d'en haut, ceux à terre, forcé à se taire. Je suis pauvre sans repère, forcé à se taire. Dans le doigt.